Salut tout le monde, ici Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là. Et oui, même pendant la pandémie, ça me fait plaisir d'être avec vous et de partager la richesse de la musique franco-canadienne. Petite parenthèse, j'espère que tout le monde est en santé et prenez soin de vous. On va entendre cette semaine du Renald Bourgeois, Danny Boudreau, aussi du Sandra Lecouteur. L'album de la semaine, ça s'en vient, de Frank Williams. Excellent album, Country Folk, si vous aimez ça. C'est très, très bon. Quelques nouveautés franco-ontariennes, Éric Dunord, entre autres, Mélissa Ouimet. Je vais en faire jouer également du Marie-Véronique Bourque. On va entendre du Cristal Plamondon, aussi du Étienne Fletcher et bien d'autres. Donc, restez là, bien entendu. Je reviens dans quelques secondes pour le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. À tantôt! Bonjour, ici Lalonde des ondes et comme à l'habitude, avant de commencer le bloc des Maritimes, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau, oui, Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada, merci. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKGM Chédicam, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton et CHQC Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents projets en français ou instrumental. Vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On va entendre, bien sûr, une chanson souvenir. Comme à l'habitude, on décide de commencer chaque bloc avec une chanson souvenir. On va entendre « Amène le vent » de Renald Bourgeois. Et par la suite, on va entendre Renald Bourgeois et Danny Boudreau, « L'enfant du destin ». Et sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK, vous avez un Facebook Live, si on peut ainsi dire, des deux artistes qui reprennent cette chanson-là sur vidéo, sur Facebook. Allez voir ça, c'est génial. Donc, Enfant du destin. Et bien entendu, on va entendre l'autoroute sans détour. Pourquoi? Parce que le 24 avril prochain, il y aura un live en direct de NB at home, chez soi. C'est Danny Boudreau qui sera en vedette. Donc, vous avez les détails en allant sur ma page Facebook de Canrock. Danny Boudreau en spectacle le 24 avril prochain à 20h dans le cadre de NB at home, NB chez soi. On va entendre, bien sûr, l'autoroute sans détour. Mais pour l'instant, amène le vent, Renald Bourgeois. Terre pour la mer à 13 ans. All the way, amène le vent. Un coureur de courant, cabane océan. All the way, amène le vent. Connais le golfe comme le creux de ma main. All the way, all the way, amène le vent. Un soldat de tempête, buveur de rhum brun. All the way, amène le vent. Berce-moi dans tes bras. berce-moi une dernière fois. Perdu mon frère juste au large de Terre-Neuve. All away, all away, amène le vent. La mer a son âme, elle sera son cercueil. All away, all away, amène le vent. On s'est battu. L'écho de nos voix résonne toujours dans l'univers. Ce chant d'amour, on était jeunes, on était fous, libres devant tout, le feu dans les veines, le cœur prêt à tout. On était jeunes, on était fous, on y croyait jusqu'au bout. Y'en a qui jouent avec la mort, y'en a qui jouent avec l'amour. Pour certains c'est la même chose, on perd le contrôle. Y'en a qui roulent avec le feu, celui qui brûle même s'il pleut. Y'en a qui roulent avec l'argent, celui qui est taché de sang. La vie n'allume plus l'amour, la nuit n'éteint plus le jour. Sur le tout, sans dire. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur. Tel est tout, sans retour. Y'en a qui filent à toute allure, pensant rattraper le futur. Y'a pas de gêne, pas de barrière, on ne voit que les feux arrière. Y'en a qui jouent avec la mort, y'en a qui jouent avec le sort. Il n'y a qu'une loi, c'est chacun pour soi. La vie n'allume plus l'amour, la nuit n'éteint plus le jour. Sur le tout, sans détour. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur. La nuit n'éteint plus le jour, sur l'autoroute, sans détour. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur. Monsieur Danny Boudreau et l'autoroute sans retour, nouvelle version qui avait été mise sur l'album Entre hier et demain, où ce qui reprenait, revisitait des chansons de ses albums passés. Et ça, c'est la nouvelle version que j'adore énormément. Donc, l'autoroute sans retour de Danny Boudreau, qui sera en spectacle sur Facebook le 24 avril prochain à 20h dans le cadre de NB at Home chez soi. Donc, merci, Danny Boudreau. Et c'est le fun, comme ça, ces temps-ci, il y a beaucoup de clips d'artistes qui sont sur Facebook ou sur YouTube et tout ça pour désennuyer les gens, pour vraiment garder contact avec les gens. Et ça doit faire au moins un an et demi que cette pièce-là existe. La prochaine chanson qu'on va entendre, c'est une chanson de la formation B, la formation acadienne, dont fait partie Matt Boudreau, Chloé Bro et Marc-André Boudreau. Et sur Facebook, sur ma page Facebook justement, vous avez accès à le clip enregistré. Chacun ses choix, hein, chacun a ses choix. Mais le clip est enregistré de la formation B de cette chanson-là. Et c'est vraiment très bien réussi. C'est vraiment une très belle chanson. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook et vous pouvez voir ce clip-là. C'est vraiment charmant de voir chacun chez eux performer cette pièce-là. Donc, on va entendre la pièce Suzy de la formation B avec, entre autres, Nicolas Bass aussi qui fait partie du clip. Donc, c'est vraiment bien réussi. C'est fort intéressant. Par la suite, je vais vous faire entendre Linda Arsenault, oui, Linda Arsenault, qui m'a fait parvenir en début janvier, début février, fin janvier, début février, son album Redneck Girl. On va entendre la pièce titre en français. Et c'est un album que je dois écouter cette semaine pour en faire un commentaire de disque pour le mois de mai. Et Linda Arsenault, qui fait de l'excellente musique country. Très bon album. À première écoute, ça sonne très bien. Donc, ça s'en vient, Redneck Girl. Mais pour l'instant, voici B et Suzy. C'est samedi soir, y'a rien à faire à Anchorman. Y'a une grosse lumière à l'autre bout de la rue qui s'allume. M'en va la voir comme on embarque dans un rêve. Y'a ben de boucan, y'a ben de la femme, ça sent la sueur. J'm'assis en avant, y'a de quoi qui se passe, j'pense à ma femme. Je peux faire le rideau s'ouvre devant ma face. Voleuse de cœur, dame de pique, elle connaît la game. Jambe de l'enfer, le regard vide. Baby, what's your name? Poche vide, pis le cœur aussi. La lumière s'éteint sur ma petite vie. On va me coucher dans le grand désert, à côté de ma femme, avec ton parfum dans l'air. Il passerait tout son temps avec elle si ses courbes et comme il la trouve belle, il aime surtout la façon dont elle bouge. Ah oui, c'est fou. Il est obsédé par sa beauté, vient de la porter épouser. De la pêche tous les matins à la guitare dans la nuit, il aime tellement sa vie quand elle est près de lui. Il a un gros cœur d'or, il la traite comme une pearl. C'est un redneck boy qui aime sa redneck girl. Compositrice, interprète acadienne qui fait de la bonne musique country en anglais et en français. Et ça, c'est la pièce titre de son nouvel album Redneck Girl en français. Et j'ai bien hâte d'écouter ça là, pour mes commentaires de disque pour le prochain mois. Et ça, c'est le fun. Elle m'a envoyé ça fin janvier, début février, si je ne me trompe pas. Et je t'ai pas oublié, ma chère Linda. J'avais écouté ça à fond, scruté chaque beat, chaque mélodie, chaque trame et chaque texte, chaque voix pour retirer ce qui est positif dans cet album-là. En première écoute, là, comme ça, là, ça sonne très bien. Donc, j'ai hâte d'écouter ça à fond et de vous le proposer, bien entendu. Autre album que j'ai reçu, c'est Sandra Lecouteur qui, un moment donné, m'a dit « Marc, faut que je t'envoie mon album. À quelle adresse, à courriel, je peux t'envoyer ça? » Eh bien, je l'ai reçu et ça, première écoute, je l'ai écouté d'un bout, sans trait, sans arrêt. Très intéressant comme nouvel album de Madame Sandra Lecouteur, Les Cormorants. On va se quitter avec la première plage de cet album-là qui s'appelle Ivresse. Voici la plus belle voix de l'Acadie, Sandra Lecouteur. Seule sur un radeau qui danse, imbibé de liqueur verte, je gis sur un lit étrange au large d'une île déserte. Où est donc passée la lune? Elle est devenue poisson. Elle nage au fond d'une lagune, j'ai paumé mon horizon. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est la faute à Prouvaire qui a ouvert la cage à une armée de vers. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est à coup sûr Rimbaud qui m'a embarqué sur son fichu bateau. Je m'inonde de mes pleurs, je grogne quelques paroles. J'invente mille couleurs sur un arc-en-ciel frivole. Je plonge avec les poissons lune, caresse les tortues d'argent, compagnon d'une infortune, tombant d'un ciel mouvant. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est un ange pervers qui du bout de ses ailes met les têtes à l'envers. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est le reflet d'une ombre. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est le poète qui sombre. Bateau.